qui peuvent s'apparenter à ces deux formations. Donc, c'est ce qui complète ce bloc, ce premier bloc anglophone. On va se tourner du côté franco avec un bloc plutôt éclectique, avec tout d'abord Prototype, et ensuite, on va entendre la formation de Blot, et à la fin du bloc, notre amie Marie-Ève Langlois, sous le nom de M. Citrouille. Alors, on vous en parlera davantage, ou bien plutôt, je vous en parlerai davantage après ce bloc. Donc, on va entendre Prototype. Vous êtes à l'émission Chérie mes coups de tue avec Sophie Laforêt jusqu'à 19h sur les ondes de CIFU 89.1 FM. Quel est ton nom? Quel âge as-tu? Qu'est-ce que tu bois? Où habites-tu? Est-ce que tu danses? Est-ce que tu aimes danser? Fais-tu les choses pour toi-même? Es-tu riche? Es-tu gay? Es-tu malade? Mal poli ou bien débile? Es-tu quelqu'un de bien? Es-tu violent? Ou juste à cran? Est-ce que tu embrasses? Es-tu déjà allé dans un lesbienne bar? Es-tu un criminel? Es-tu un alien? Es-tu jaloux? Suceur de ton? Es-tu chaud? Es-tu aveugle? Es-tu rouge? Es-tu mort? Fais-tu du sport? Aimes-tu le jazz? Comment te sens-tu? Comment te sens-tu? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Es-tu tout seul dans ton lit? Es-tu tout seul? Comment te sens-tu? Est-ce que tu pars demain? Es-tu triste, fatigué? Es-tu homme? Es-tu homme? Es-tu vieux? Es-tu vert? Es-tu pour? Es-tu contre? Ou un garçon. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Bonjour, jeune fille d'en haut. Nous avons écouté les sons de votre amour. Bonjour, jeune fille d'en haut. Nous avons écouté les sons de votre amour. Bonjour, jeune fille d'en haut. Nous avons écouté les sons de votre amour. Can I do it one more time? Bonjour, jeune fille d'en haut. Nous avons écouté les sons de votre amour. Bonjour, jeune fille d'en haut. Nous avons écouté les sons de votre amour. Bonjour, jeune fille d'en haut. Nous avons écouté les sons de votre amour. Bonjour, jeune fille d'en haut. Nous avons écouté les sons de votre amour. On va monter l'escalier. On va sous la porte. Et ton petit ami, il reste là. Et toi, tu viens avec nous. Bonjour, jeune fille d'en haut. Nous avons écouté les sons de votre amour. Bonjour, jeune fille d'en haut. Nous avons écouté les sons de votre amour. Hello, young girl, upstairs. We've heard the sounds of your love. Hello, young girl, upstairs. We've heard the sounds, but didn't come down. Hello, young girl, upstairs. We're gonna climb the stairs, and your little friend, he'll stay there. And you're gonna come with us. You're gonna come with us. I'd like you up and down. I'd like to press you down. I'll make you into a suit of clothes and wear you where nobody knows you. In strange towns, I'll show you off, and girls will chatter with you off me. Bonjour, jeune fille d'en haut. Nous avons écouté les sons de votre amour. Bonjour, jeune fille d'en haut. Nous avons écouté les sons de votre amour.